Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Rock de Neurones sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et aujourd'hui, on vous propose une émission spéciale sur le rock progressif du Brésil. Alors, qu'en est-il du rock progressif qui nous vient du Brésil? Eh bien, premièrement, disons que l'effort collectif du Brésil, ça totalise 1,4% du rock progressif global. C'est-à-dire qu'au Brésil, on trouve depuis le début des années 70 292 artistes. Ça, c'est comparativement à 21 576 groupes là, qui apparaissent dans la base de données de Rock de Neurones. Alors, ça correspond à 1,4% de l'effort global planétaire du rock progressif. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve au Brésil dans ces 292 groupes-là? Eh bien, en général, sur les 22 sous-genres du rock progressif, le Brésil en compte 18, principalement avec 80 artistes qui sont d'allégeance métal. Il y en a 48 qui font du crossover et 46 là, qui font du symphonique prog. Alors, aujourd'hui, bien, je vous ferai pas la nomenclature de tous les groupes là, qu'on verra durant l'émission. Il y en a à peu près une quinzaine. Je vais plutôt les nommer au début de chaque bloc. Mais je vous rappelle que les informations concernant ces groupes-là, puis les chansons que je fais jouer, bien, sont disponibles sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Alors, on va débuter avec un groupe des années 70. C'est un des précurseurs dans le domaine en ce qui concerne le rock progressif brésilien. C'est A Barca do Sol. C'est un groupe qui a eu 4 albums studio produits entre 1974 et 1979. Et la pièce que j'ai choisie, c'est tirée de Durante o Verão. C'est le deuxième album paru en 1976. Et la pièce, c'est A Língua et A Bainha. Ensuite, un des classiques du rock progressif brésilien, mais c'est Bacamarte. Ils ont produit un album qui a été très, très bien reçu en 1983. L'album s'intitule Depois do Fim et la pièce, bien, c'est UFO. Ensuite, on a Ether, qui est un groupe qui a été actif surtout à la fin des années 90 avec 2 albums studio. Mais la pièce que j'ai choisie, elle est plutôt extraite d'une compilation qui s'intitule Odyssey, The Greatest Tale. Et la pièce, c'est Chapter 9. Ça, c'est tiré du troisième CD de 4 que comporte la compilation. Et on va conclure avec Atomic Time. C'est un nouveau groupe. Un seul album qu'ils ont enregistré en 2019. C'est Out of the Loop et la pièce, bien, c'est Red Rain. Alors, on débute ça avec A Barca do Sol. Não estarás louca como rei num labirinto de som. Tormento e fúria lives, the men in frozen ways of fight. We ask their souls to line a race, as songs of fearless soldiers might across the sea of night. They sold their songs today, as dreaming many times of waste, across the sands of the medium pile. Their lonely souls are sick, across the land of time, where am I? We'll be right back. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Vous écoutez présentement une émission spéciale de Rock de Neurones consacrée au rock progressif brésilien. Et pour débuter ce deuxième bloc, on aura une autre pièce du groupe Abarca do Sol qu'on a fait jouer durant le premier bloc. Et c'est tiré du même album, Durante o Verão. Et la pièce, c'est Hôtel Colonial. Ensuite, on aura Os Mutantes. C'est un groupe assez prolifique qui existe depuis 1968 et qui a depuis 12 albums studio. Le dernier étant produit en 2020. Mais ce qu'on va entendre, c'est une pièce qui vient de l'album numéro 8, enregistré en 1992. L'album s'intitule O-A-E-O-Z. Et la pièce, c'est Voce Sabe. Ensuite, il y aura Caravelle Escarlate. Ça, c'est un nouveau groupe qui a débuté en 2016. On leur connaît deux albums studio, dont l'album éponyme, qui est paru en 2017. Et c'est tiré de cet album-là qu'on va entendre la pièce Planeta Estreita. Et pour conclure le bloc, on aura un nouveau groupe du Brésil. Son nom, c'est Perspective Vortex. Et l'album qu'ils ont fait paraître en 2019, c'est Out of Order. Et la pièce, c'est Out of Time. Alors, avant de débuter, j'aimerais vous rappeler que toute cette information-là est disponible à partir de la page Facebook de l'émission Rock de Neurones. Et si vous voulez vous simplifier la vie, vous n'avez qu'à vous abonner à l'infolettre que je publie à chaque semaine. Alors, pour pouvoir faire partie de la liste de distribution de cette infolettre, je vous invite à me contacter en privé sur la page Facebook de Rock de Neurones. Alors, on débute avec Abarca do Sol. Abra a janela, a lua que brilha lá fora não é a mesma de luar do sertão. Abra a janela, a lua que brilha lá fora, atrás do edifício, o silêncio sereno, a sombra do mar, no sobrado negro desse hotel Colônia. Você corre louca a procurar estrelas pelo chão e descobre a noite no espelho negro do verão. E não quer mais hoje o firmamento, lençol, a nudez, sem a cabrocha, o luar, o violão. Janela, respira o cheiro de fora, depois vá pra cama e refaça a cabeça, a sombra do mar, no sobrado negro desse hotel Colônia. Você corre louca a procurar estrelas pelo chão e descobre a noite no espelho negro do verão. E não quer mais hoje o firmamento, lençol, a nudez, sem a cabrocha, o luar, o violão. Thank you.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Vous écoutez une émission spéciale sur le rock progressif brésilien et vous êtes à l'antenne de Rock de Neurones sur C'est fou. Ceux qui connaissent l'émission savent qu'il y a eu déjà dans le passé plusieurs émissions spéciales, notamment des Pays-Bas, d'Argentine, d'Espagne, de Finlande, de Turquie, et il y a eu 3 émissions spéciales sur l'Italie. Alors, ceux qui sont intéressés à écouter ces émissions-là, bien, je vous invite à me contacter en privé pour faire partie de l'infolettre que je publie à chaque semaine. Alors, on va commencer le troisième bloc avec un groupe assez ancien du prog brésilien. Il s'agit du duo Secos and Molhados. C'est un groupe qui a été actif entre 1973 et 2011. Et les deux albums les plus appréciés, ce sont les deux premiers. Alors, c'est l'album homonyme, Secos and Molhados, paru en 1973. Et je vous propose 3 extraits. Ensuite, on a une guitariste qui a été active le temps d'un album. C'est en 2006. Elle s'appelle Adriana Simeone. Et le seul album qu'elle a enregistré, ben, il s'intitule The Intelligible Sky. Et je vous propose la pièce Spacetronic Eyes. Ensuite, un autre groupe très récent qui est sorti en 2019, c'est Stratus Luna. Aussi un album homonyme et la pièce que je vous propose c'est Au Centro do Labirinto et on va conclure avec un claviériste là, récent 2016 Gustavo Santiago et lui a un album comme je mentionnais paru en 2016 l'album s'intitule Animam et la pièce bien, c'est Animam Part 1. Alors on débute avec Secos and Mojados. Ela não quis. Eu dei-lhe a flor de minha vida. Vivo agitado. Eu já não sei se sei de tudo ou quase tudo. Eu só sei de mim, de nós, de todo mundo. Eu vivo preso à sua senha, sou enganado. Eu solto o ar no fim do dia, perdi a vida. Eu já não sei se sei de nada ou quase nada. Eu só sei de mim, só sei de mim, só sei de mim. Thank you. vi o rei andar de quatro caras diferentes e 400 celas cheias de gente. Eu vi o rei andar de quatro patas reluzentes e 400 mortes. Eu vi o rei andar de quatro poses atraentes e 400 velas feitas duendes. êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Nous voici rendus au dernier bloc de cette émission spéciale consacrée au rock progressif brésilien. Et on va débuter avec une formation qui existe depuis 1987, qui s'appelle Violeta de Outono. C'est un groupe qui a enregistré 7 albums studio, le premier en 87 et le dernier, mais qui date déjà de 4 ans. C'était Spaces. Alors, c'est extrait de cet album-là qu'on va entendre la pièce Imagines. Ensuite, on va aller en 1972 avec un groupe qui s'appelle O Terço. C'est en deux mots, O Terço. Un groupe qui a existé une trentaine d'années, entre 1970 et 2000, avec 11 albums studio. Et la pièce que j'ai choisie pour vous, mais c'est Estrada Vadia. Ça, c'est extrait du deuxième album paru en 1972, O Terço 2. Et on va conclure avec une nouveauté de 2020. C'est un groupe qui fait partie de mes top 15 là, en 2020. C'est Drowning Steps, avec un très bon album qui est paru en début d'hiver 2020. C'est The Echo of a Distant Past. Et la pièce qu'on va entendre pour conclure l'émission, c'est The Inner Silence. Alors, on y va avec Violeta de Outono. meu corpo é o aberto caminho para você descobrir. Estrada deserta esperando você pra poder existir. Somos crianças, podemos sorrir. Somos crianças e vamos partir. Thank you. disappear and drown in my inner. The way I started, I will finish. I thought I could search and answer. Disappear and drown in my inner. The way I started, I will finish. Ce que vous venez d'entendre, c'est la formation Drowning Steps du Brésil et la pièce The Inner Silence, c'est extrait de The Echo of a Distant Past. Ça, c'est paru en 2020, en début d'hiver. Et ça a été précédé de O Terço et la pièce Estrada Vadia, tirée de O Terço 2. Et en début de bloc, on avait Violeta di Utono et la pièce Imagines, tirée de Spaces. Ceci met fin à la programmation musicale de cette émission de Rock de Neurones. Et avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler qu'à chaque semaine, je publie une infolettre dans laquelle j'inclus la feuille de route de l'émission. Ça inclut les artistes, les chansons, les albums et beaucoup d'autres informations. Et en plus, j'ai une liste des albums à venir. Ça inclut aussi des liens pour en écouter des extraits.